إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله. On est aujourd'hui dans le cours numéro 4, dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin bi darari qa'idat al-ma'zira wa ta'awun. Donc, on a expliqué certains points hier, et parmi les points qu'on a expliqués, c'était que la divergence al-khilaf, c'est une des conséquences de nos péchés. Quand il y a des péchés qui se produisent, eh bien, ça implique que notre vie devient plus compliquée et plus difficile, et que les règles de l'islam se compliquent par rapport à nous. Et donc, ça, c'est ce qui amène à plus de divergences. Et si vous regardez, par exemple, juste comme pour vous donner un exemple par rapport à ce point-là, parce qu'on en a parlé hier en détail, mais peut-être qu'il y a certains points ou certains exemples qui m'échappaient. Mais aujourd'hui, j'y ai pensé par la suite après le dars, et il y a d'autres exemples qui me sont apparus. Et c'est qu'on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit qu'il y a une époque qui allait arriver où celui qui s'accroche à sa religion, c'est comme s'il va être en train de s'accrocher à un charbon qui est en train de brûler, un charbon ardent, une pièce de charbon qui est rouge, qui brûle. Donc ça, c'est des exemples qui montrent la difficulté à une certaine époque, comment la religion sera difficile à appliquer. C'est pour ça que la récompense de celui qui va s'y accrocher vers la fin des temps, elle est grande, elle est très grande. Et tout ça pour dire que plus les gens vivent dans une situation dans laquelle ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, plus ils auront des divergences entre eux. Et ça, c'est ce qu'on constate également. Par exemple, regardez dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans où il y a, par exemple, l'application de la charia, on retrouve moins de divergences entre les musulmans que dans les pays où il n'y a pas l'application de la charia, par exemple. Les pays, par exemple, où il y a une aqida qui est basée sur le manhaj des salaf, on trouve entre eux moins de divergences que dans les pays où les gens sont sur une voie de bid'ah ou bien sur différentes méthodologies ou différents manhaj. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et si on compare ça avec des pays comme, par exemple, où justement il n'y a pas une aqida claire qui est unique et qui est basé sur le manhaj des salafs, on voit beaucoup de divergences entre les musulmans. Si on regarde les pays où la charia n'est pas appliquée comme il faut, ou bien qu'elle n'est pas appliquée, excepté dans certains aspects de la vie, on remarque encore plus de divergences entre les musulmans. Si on regarde les musulmans qui vivent dans les pays non musulmans, dans les pays de kufr comme en Occident, aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite, on remarque entre les musulmans encore plus de divergences que les divergences qu'on retrouve dans les pays musulmans où on n'applique pas comme il faut la charia ou bien où on ne l'applique pas, excepté dans certains dans certains aspects très limités. Donc c'est pour dire que plus, comme le cheikh l'expliquait dans le point qu'on a expliqué hier, plus on est dans les péchés, dans une situation de péché, ou dans une situation qui est en contradiction avec la charia, plus on va retrouver entre les musulmans de la divergence. Et comme les ulama l'ont expliqué également, plus il y a d'ignorance entre les gens, plus il y aura de divergence entre eux également. Donc tout ça c'est relié ensemble. Et donc la situation des musulmans et les péchés dans lesquels ils vivent, ça amène plus de divergence. Comme par exemple le fait de vivre dans un pays non musulman puis dans une société de kufr, eh bien ça va amener des problèmes entre les musulmans, ça va amener les musulmans à faire toutes sortes de compromis, toutes sortes de choses compliquées pour essayer de résoudre ces contradictions-là. Et puis parfois certains vont même tomber dans d'autres contradictions à partir de ces contradictions-là. Et il y a du fait que, par exemple, certaines personnes, au lieu de remarquer et d'admettre qu'il y a une contradiction et que c'est qu'il y a un problème dans le fait que, soit, par exemple, on soit en Occident, il y en a qui vont plutôt essayer de rentrer encore plus profondément dans la divergence et dans la contradiction en essayant de justifier ces contradictions-là par l'islam, ou en essayant d'utiliser des choubouhats pour essayer de rendre ces contradictions-là et ces divergences-là acceptables dans l'islam. Et c'est ça ce qu'on remarque chez les hizbiyyin et chez les mubtadi'a qui viennent s'établir et qui viennent s'organiser en Occident. Hein? Et là, vous voyez par exemple qu'ils vont essayer de justifier et de permettre tout ce qui se passe de contradiction dans les sociétés non musulmanes en essayant de justifier ça d'un point de vue islamique. Et bien entendu, ils n'ont pas le choix de faire ça, excepté en déformant la réalité et en changeant la vérité. Puis, bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails à ce sujet-là, mais je pense que si vous avez suivi les cours depuis le début de ce livre, vous avez une petite idée de ce que je parle, et quand même vous êtes capable de comprendre où est-ce que je veux aller en expliquant ce point de vue-là. Hein. C'est que un péché en amène un autre. Et une contradiction, si on ne cesse pas de la faire et si on ne revient pas à la vérité, eh bien ça va en amener une autre et une autre et une autre, et ça va continuer sans cesse. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je dis, les divergences qu'on retrouve en Occident, entre les musulmans, entre eux, ce sont des divergences qui sont les résultats des péchés et des contradictions que les musulmans ont fait. Du fait qu'ils ont cherché à venir s'établir dans des sociétés qui sont basées sur des fondements opposés à l'islam pour essayer de pratiquer l'islam. C'est complètement ridicule. Hein. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui croit à une autre religion ou à une autre foi chercherait à aller vivre à la Mecque pour vivre, je sais pas moi, le bouddhisme ou l'hindouisme, ou bien la laïcité ou d'autres croyances hein, qui sont contraires à la religion. Si quelqu'un cherche à pratiquer sa religion, le mieux c'est qu'il aille dans les pays où les gens pratiquent cette religion-là et où les gens basent leur vie sur cette religion-là, et non pas de rester dans une société qui va en opposition totale avec les principes de leur religion, et essayer de s'infiltrer ou de s'imposer dans cette société-là d'une façon qui est parfois complètement ridicule. Donc, on va commencer maintenant avec ce chapitre-là qu'on va lire aujourd'hui, qui est Al-Khilaf ou Shar. C'est pour établir un principe en commençant, parce que si on veut débattre ou si on veut analyser un point, hein, disons qu'on veut plutôt étudier un point spécifique de l'islam qui est relié avec les divergences, la question des divergences, on doit savoir de quelle façon on regarde ou on voit la divergence en elle-même. Comment on la considère, cette divergence-là? Donc, en partant, il faut être d'accord sur le fait que al-khilaf ou shar, c'est-à-dire que la divergence, c'est quelque chose qui est négatif, qui est mauvais. C'est pas quelque chose de bien. Toutefois, il y a parmi les gens de Bid'a et des Hizbiyyin qui considèrent que la divergence et la diversité en elle-même, Et le multipartisme ou le pluralisme, comme il l'appelle, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est déjà pour montrer qu'en partant, il y a une grande différence entre nos deux conceptions et notre façon de voir la divergence. Et donc, on veut savoir, en fait, c'est quoi la position des salafs ou le manhaj des salafs face à la question de la divergence en elle-même. Et là, c'est ce que le cheikh va expliquer maintenant. Le cheikh dit « Ahl al-sunnah ya'khudhuna al-qawa'id min al-kitab wa al-sunnah » فتكون قاعدتهم تبعا للكتاب والسنة وأهل السنة وأهل البدع بخلاف ذلك يقاعدون القواعد ثم ينظرون في الكتاب والسنة فلذلك تجد لهم من تحريف النصوص وتأويلها وتنزيلها على غير مراد الله ورسوله ما يعجب منه المسلم الحق لأن هذا هو شأن من يعتقد ثم يستدل ويقع منه الزلل والتحريف لأن النصوص قد لا تستقيم وقواعده. Donc le cheikh explique en partant un point très important qui dit que les gens de Ahl al-Sunnah prennent leurs règles et leurs principes du Coran et de la Sunna. Et le mot règle ou principe que j'ai utilisé en fait, ça vient du mot arabe. Quand je le traduis du mot arabe qui est qawa'id, c'est le pluriel du mot qa'ida. Hein? Et ce mot-là signifie un principe ou une règle. D'accord? Donc, les gens de Ahl al-Sunnah, ils prennent leurs règles et leurs fondements et leurs principes du Coran et de la Sunna directement. Ok? Et donc, leurs règles, les règles qu'ils suivent sont en accord et suivent le Coran et la Sunna. D'accord? Et comment on sait que, par exemple, quelque chose dans le Coran et dans la Sunna est une règle? C'est quand on voit que c'est une chose qui se répète constamment dans la charia, dans plusieurs références et dans plusieurs textes, et dans plusieurs hadiths ou versets de Coran, le même principe se répète souvent. Donc, on voit que c'est une règle. D'accord? De cette façon-là, on voit que c'est un principe ou une règle qui est établie. Donc, le cheikh, il dit, contrairement aux gens de Bid'ah, les gens de Bid'ah, ils ne font pas ça, ils font le contraire, eux. Les gens d'Ahl al-Sunnah, ils prennent leurs règles du Coran et de la Sunnah. Tandis que les gens de Bid'ah, eux, c'est le contraire. Ils font des règles par eux-mêmes, selon leur philosophie, selon leur idéologie, selon leur pensée, hein, ou bien parfois même ils vont lire les livres des kuffars, les livres de philosophie ou de politique ou de sociologie ou de d'autres livres qu'ils peuvent trouver qui parlent de différentes idées dans les sciences humaines ou autres. Ils vont prendre ces livres-là, comme en psychologie ou autre, et ils vont établir à partir de ces livres-là des règles. Ou bien ils vont prendre leurs lois et ils vont établir à partir de ces lois-là des règles. Et puis, ils vont chercher par la suite les textes du Coran et de la Sunna qui sont assez générales pour accepter ces règles-là. Donc, ils vont essayer de justifier leurs règles et leurs théories en se basant sur des versets dans le Coran et dans la Sunna. Et pour faire ça, bien entendu, ils vont être obligés d'utiliser des textes qui sont très très larges ou qui ont une signification qui est, disons, équivoque, hein, qui peut prêter à plusieurs sens, qui est mujmal, comme on a expliqué dans les cours précédents. Donc, ils vont prendre ces textes-là, puis tous les autres textes qui sont spécifiques et qui clarifient que ces règles-là sont en contradiction avec leurs principes qu'ils ont inventés eux-mêmes, ils vont essayer de les déformer. C'est-à-dire, ils vont essayer de déformer le sens et les significations de ces textes-là pour faire en sorte que ces textes qui sont en contradiction apparente avec leurs principes deviennent des principes qui sont en accord avec leurs idées et leurs théories. Donc, ils vont déformer la réalité des textes pour faire en sorte que ces textes-là soient acceptés par rapport à leur, soient en accord avec leurs théories. Et c'est ce que certains parmi les gens de Bid'ah maintenant utilisent quand ils parlent de cette Shubha. Ils disent par exemple, il faut comprendre le texte et le contexte. Hein, vous entendez souvent des gens comme Tariq Ramadan, hein, qui yani, utilisent ces propos-là. De même que des organisations comme Présence musulmane, puis ici on a eu Astrolabe aussi, hein, un autre groupe qui se passe sur les mêmes idées que Tariq Ramadan et que Présence musulmane aussi, ils sont sur la même ligne de pensée, la même, le même manhaj en fait. Et c'est pour dire que suivre le, comprendre le texte et le contexte, pour eux ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter les principes de la religion ou la religion au, à le, à, au contexte dans lequel les musulmans vivent. Donc ils ne vont pas voir, ils ne vont pas prendre en considération par exemple est-ce que le contexte dans lequel on vit est permis ou non. Ça ils ne vont pas regarder ça du tout, parce que eux, pour eux bien entendu, du moment qu'ils veulent que quelque chose soit permis, alors ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le rendre permis, hein. Donc, c'est ça ce qu'on constate. Si quelque chose n'est pas permis, ils vont essayer de le rendre permissible. Puis par la suite, ils vont essayer de, soi-disant, adapter les textes pour que ce soit en accord avec ce qu'ils veulent. Ou bien dans les questions d'Aqida, on voit ça aussi comme la question des gens de Bid'a qui veulent, par exemple, nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on disait, Annie, les gens de Bid'a, ils vont prendre des théories qu'ils ont établies eux-mêmes, puis ils vont essayer de les appliquer. Puis s'ils trouvent des textes qui sont en contradiction avec ce qu'ils veulent, ils vont essayer de les déformer, les faire sortir de la réalité de leur sens. Et les comprendre ou les faire comprendre d'une façon qui est en opposition avec ce que Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont voulu dire lorsqu'ils ont transmis cette révélation-là. Et donc, ça c'est quelque chose qui étonne, qui est très surprenant de la part de quelqu'un qui est musulman d'agir de cette façon-là. Parce qu'un musulman, il n'agit pas de cette façon-là. Le musulman, il cherche les preuves de sa croyance dans les textes, et puis une fois qu'il a vu ces preuves-là, il les accepte et il croit selon ces textes. Tandis que les gens de Bid'a, c'est le contraire. Ils se font des théories, et puis après, c'est-à-dire ils croient en quelque chose en premier, après ils cherchent dans les textes qu'est-ce qui va justifier cette croyance-là. Ils font le contraire. C'est comme on dit dans une expression ici au Québec, ils mettent la charrue en avant des bœufs. Hein? C'est une expression, Yannick. C'est comme s'ils faisaient ça en fait. Ils veulent prendre comme un chat par exemple qu'on utilise pour tirer des choses. Et ben ils mettent les bœufs qui tirent ça en arrière de la charrue. Hein? Et ça c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se laisser tirer par les textes et par les preuves en premier, et puis après suivre et croire en ces textes-là et établir notre croyance selon ces textes-là. Et non pas le contraire, de se faire une croyance dans notre tête, hein, dans notre cœur, et puis par la suite essayer de justifier dans les textes qu'est-ce qui va supporter cette croyance-là. Dans ce cas-là, on est injuste, on est malhonnête envers les textes. Donc ça, c'est le point en premier. Et donc, le cheikh dit, « وَيَقَعْ مِنْهُ الزَّلَلْ » Quelqu'un va tomber dans des grands problèmes à cause de ça, parce que les textes, la façon dont il va utiliser les textes, ne va pas être en harmonie. Il y aura des contradictions, bien entendu, dans ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il croit. Et c'est ça ce qu'on retrouve chez des gens comme des penseurs islamiques. Hein? Ben, mashallah. Donc, on retrouve ça chez des penseurs et ceux qu'on appelle al-mufakkirun al-islamiyun. Hein? Les gens qui sont soi-disant des penseurs islamiques. Et des gens comme par exemple des philosophes un peu philosophiques, comme qui utilisent la philosophie comme Tariq Ramadan et d'autres. On voit que ils établissent des idées, des principes, des règles et tout. Et puis par la suite, ils essaient de les justifier en mentionnant des preuves dans le Coran et dans la Sunna. C'est comme par exemple ceux qui vont prendre les droits de l'homme et puis qui vont dire, qui vont essayer d'interpréter le Coran et la Sunna à la lumière de ces droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme par exemple faite par l'ONU. hein, ou bien par d'autres chartes, les droits de droits et libertés. Donc il va essayer de dire, ouais, tout ce qui est dans ces chartes-là, c'est en accord avec l'islam, voici la preuve, il y a tel verset qui dit ça, donc ça, ça prouve tel article de la charte, et il y a tel hadith qui dit ça, donc ça, ça prouve tel article de la charte. Sauf que le Coran et la Sunna existaient avant ces chartes. Hein. Et c'est clair que les koufars, quand ils ont écrit ces chartes, ne sont pas basés sur le Coran et la Sunna pour les écrire. Donc d'essayer de justifier ces chartes par rapport au Coran, de justifier, en se basant sur le Coran, d'essayer de justifier et de prouver que tout ce qui est dans ces chartes-là est en accord avec l'islam, c'est une aberration en réalité. Hein. Ensuite le cheikh il dit وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجدناها تدل على أن الخلاف شر. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال عمر بن العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلق الله أهل رحمته لئلا يختلفوا. وقال أبو محمد بن حزم فاستثنى الله من رحم من جملة المختلفين وأخرج المرحومين من جملة المختلفين. وقال الشاطبي إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنها اقتضت قسمين أهل الاختلاف ومرحومين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول فيها الذين رحمهم الله لم يختلفوا. Donc le cheikh il mentionne quelques points donc pour nous expliquer. Il dit si on retourne au Coran et à la Sunna et la parole des Sahaba, on va constater que tout ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna, dans la parole des Sahaba indique une chose. C'est quoi? C'est que la divergence en elle-même, elle est quelque chose de mauvaise, elle est quelque chose de négatif, de négative. D'accord? Et donc, on n'a pas le droit de considérer ou de croire que la divergence est quelque chose de positif ou de bien. Et il mentionne ces textes comme par exemple le verset 118 et 119 dans sourate Hud. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Hein, c'est-à-dire, ils demeureront toujours divergents entre eux, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dans le verset dans sourate Hud, on retrouve ces paroles-là, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquelles il dit ça. Donc il y a de la divergence, c'est vrai, et il y en aura toujours entre les hommes de la divergence, et ça fait partie de, bien entendu, le test et l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux hommes. Dans le but de les tester, il a fait en sorte qu'il y ait cette divergence-là. Mais les gens de la miséricorde ne vont pas diverger entre eux. Ceux qui vont diverger entre eux, c'est ceux qui ne font pas partie des gens de la miséricorde. D'accord? Comme il le dit, Yani, dans le verset. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Tu vois? Et après il dit, et la parole de ton Seigneur s'accomplit, très certainement, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Donc ça, c'est des versets clairs à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles des ulama qui expliquent ce verset-là. Donc il dit par exemple que Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie des tabirines, hein, qui était un des khulafa, il dit que Allah a créé des gens pour sa miséricorde, pour pas qu'ils ne divergent, hein, pour qu'ils ne divergent pas entre eux. Ça, c'est cité dans Al-Ihkam. Et aussi, il mentionne les paroles de Abu Muhammad ibn Hazm. Oui, c'est ça. La citation de Omar ibn Abdul Aziz est mentionnée dans Ahkam al-Qur'an de Abu Bakr ibn al-Arabi, un livre de tafsir des règles, des versets qui parlent des ahkam dans le Coran. C'est un tafsir qui interprète uniquement les versets dans lesquels il y a des règles de la charia. C'est-à-dire, il ne va pas parler des versets ou interpréter les versets qui traitent d'autres sujets comme de l'aqidah, hein, et des choses de ce genre. Il parle uniquement des versets qui ont rapport avec les règles de la charia. Et il interprète uniquement ces versets-là dans ce tafsir qu'on appelle Ahkam al-Qur'an d'un des grands savants de l'islam qui s'appelle Abu Bakr ibn al-Arabi. Et il cite ensuite les paroles de Abu ibn Hazm al-Andalusi, Abu Muhammad ibn Hazm. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a mis une exception à ce verset-là au sujet de ceux à qui il a fait sa miséricorde. Hein, et il les a exclus de ceux qui ont divergé. Et il a fait sortir les gens qui ont la miséricorde du nombre des gens qui ont divergé. Donc, ça veut dire que les gens de la miséricorde, les gens à qui Allah a fait miséricorde, ne font pas partie des gens qui divergent. Ensuite, il mentionne, ça c'est dans Al-Ihkam. Ensuite, il mentionne le cheikh les paroles de l'imam Al-Shatibi dans son livre Al-Ihtisam. Et dans ce livre, l'imam Al-Shatibi, il dit que ce verset, dans Surat Hud, il indique que les gens qui sont dans la divergence, qui sont mentionnés dans ce verset-là, sont séparés et sont différents de ceux qui ont la miséricorde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, or, ils ne cesseront d'être divergents entre eux. Excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, ça signifie que les gens sont divisés en deux catégories. Les gens qui divergent ou les gens de la divergence et les gens qui ont la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, c'est la division apparente de ces deux groupes-là. Qu'il y a des gens de la miséricorde qui ne sont pas divergents entre eux, et il y a les gens qui divergent entre eux, qui ne font pas partie de la divergence. Et donc, ça c'est une autre explication par l'imam Al-Shatibi. Ensuite, il y a l'imam Ibn Wahb qui explique que, et Ibn Wahb c'était un des compagnons de l'imam Malik, hein, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, qui était imam au Dar al-Hijra, un des grands imams, qui fait partie des imams auxquels on attribue le madhab al-Maliki. Hein? Et ce grand imam parmi les imams des Salaf Salih, il disait à propos de ce verset-là, lorsque l'imam Ibn Wahm il dit, j'ai entendu l'imam Malik dire, ceux à qui Allah a fait miséricorde, ils n'ont pas divergé. Hein? Ils n'ont pas divergé. Et ça aussi c'est dans Al-Ihkam. Bon, ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: "Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, wa lidhalika khalaqahum, fa akhbara anna ahla ar-rahmah la yakhtalifun, wa ahlu ar-rahmah hum atba'u al-anbiya'i qawlan wa fi'lan, wa hum ahlu al-Qur'an wal hadith min hadhihi al-ummah, faman khalafahum fi shay'in فاته من الرحمة بقدر ذلك وقال أيضا خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة. Le Cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit dans Majmou' al-Fatawa volume 4 à la page 25, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens vont toujours continuer à diverger, ne cesseront de diverger excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde et c'est pour cela qu'il les a créés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les gens de la divergence ne font pas partie des gens de la miséricorde. Ou bien, plutôt, que les gens de la miséricorde ne divergent pas entre eux. Et les gens de la miséricorde sont ceux qui suivent les prophètes. C'est ceux qui sont ceux qui suivent les prophètes dans leurs paroles et dans leurs actions. Hein, c'est pas uniquement dans leurs paroles, mais c'est dans leurs paroles et dans leurs actions. Et ce sont les gens du Coran et du Hadith, parmi les gens de cette Umma. Ce sont eux les gens de la miséricorde. Donc quiconque les contredit dans quoi que ce soit, alors il va lui manquer, ou il a perdu, hein, ou il a manqué quelque chose de la miséricorde, selon la proportion d'opposition qu'il a eue à ce groupe-là, ou à ces gens qui font partie des gens de la miséricorde. Donc, plus tu contredis la voix des gens de la sunna et des gens de hadith, et des gens plus tu vas diverger, et donc ta portion et la mesure ou la portion de miséricorde que tu vas avoir va être moins grande, hein, parce que c'est proportionnel. C'est ça ce que le cheikh essaie de faire comprendre. Plus tu es en accord avec la voix des gens du Coran et du hadith dans cette umma, alors plus tu auras de miséricorde. Et si tu diverges dans certaines choses, plus tu diverges, moins tu auras de la part dans la part de cette miséricorde. D'accord? Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit aussi dans le volume 4, à la page 236, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des gens pour la divergence, et il a créé des gens également pour la miséricorde. Donc c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait par rapport à sa sagesse, et pour un plan, et pour une raison bien précise, qui est bonne et qui est sage. Hein, c'est dans le but. Une des raisons, c'est pour tester les hommes, pour qu'il y ait un test. Ensuite, le cheikh dit, وَقَالَ ابن أبي العز ابن أبي العز الحنفي فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف. L'imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, un des grands savants de l'islam, qui était un des élèves de Ibn Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, il a écrit un des grands charhs de la aqida de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Et cette aqida de l'imam al-Tahawi, elle a été interprétée donc par ce grand savant-là. Et dans son explication de cette aqida, il a mentionné le point que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les gens de la miséricorde sont une exception, c'est-à-dire ils sont exclus de la divergence. Ils ne font pas partie de ceux qui sont dans la divergence ou qui ont des divergences entre eux. Ensuite, le cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 105, dans Surat Ali Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que les preuves claires leur sont parvenues. Et ceux-là, il y aura pour eux un châtiment énorme. Et le cheikh, il mentionne ensuite les paroles de l'imam al-Muzani dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlihi. المزني إذ قال المزني فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Muzani qui sont extraites du livre Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, qui est écrit par l'imam Ibn Abdul Barr al-Andalusi également. Ibn Abdul Barr, qui est un des grands savants de l'islam, qu'on appelait l'imam al-Bukhari on l'appelait le Bukhari de l'Andalousie. Hein, c'était un grand savant à l'époque. Un des grands imams parmi les imams des salafs. Et il cite l'imam al-Muzani. Et l'imam al-Muzani, c'était un des compagnons de l'imam al-Shafi'i. Hein, l'imam al-Muzani, c'est un des grands imams parmi les imams des salafs et un des compagnons parmi les compagnons de l'imam al-Shafi'i. Qu'est-ce qu'il dit? En passant, il a une aqida, hein, un livre dans lequel il explique la aqida des salafs, qui est un livre très très intéressant aussi, qui réfute les Jahmiya et les Mubtadi'a, hein, et les autres groupes de bid'a comme les Asha'ira et les Maturidiya et les autres tendances aussi. Donc c'est un livre très intéressant qui est expliqué par plusieurs parmi les ulama. Donc dans cette aqida, l'imam le cheikh Ahmed al-Najmi, il a fait un charh de cette aqida, et aussi le cheikh Ubayd al-Jabri, il a un charh de cette aqida, et probablement aussi d'autres imams, d'autres savants de notre époque ont des explications aussi de cette aqida. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il blâme la divergence, il critique la divergence. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il fait la critique de la divergence, il décrit que cette chose là c'est quelque chose de blâmable, et il nous ordonne lorsqu'il y a la divergence de retourner au Coran et à la Sunna. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans surat An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire, si vous divergez en quoi que ce soit dans la religion, alors ramenez-la à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, ça veut dire que le cheikh, il dit, si la divergence n'était pas une chose qui. Si la divergence était quelque chose qui fait partie de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas blâmé la divergence, il n'aurait pas critiqué non plus la divergence. Et ça c'est la preuve que Allah n'aime pas la divergence et n'accepte pas la divergence. Donc il faut faire une distinction entre al-irada al-kawniya wa al-shar'iyya, comme on l'a expliqué hier dans le dars. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à certaines choses de se produire dans l'univers, mais ça ne veut pas dire qu'il aime ces choses-là. Parfois, ces choses-là existent, sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour qu'il y ait une épreuve et un test selon la sagesse, hein, et la science et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Toutefois, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime ces choses-là. C'est pour ça que dans la révélation, il blâme la divergence. Et le cheikh, il dit que si la divergence et les disputes étaient quelque chose qui était bien, que ça faisait partie de son jugement, alors dans ce cas-là, il ne nous aurait pas ordonné de revenir au Coran et à la Sunna. Hein? Et donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Al-Muzani. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles d'un autre imam. Il dit, « وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَ » En fait, c'est une narration d'un hadith. Il dit, وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعدهم إلى بعض فانظر كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر مع اختلاف بواطنهم كما قال تعالى وألف بين قلوبهم إلى الشيطان يعني مع اختلاف مع اختلاف بواطنهم كما قال تعالى وألف بين قلوبهم إلى الشيطان حسبك بفعل أضيف إلى الشيطان. Donc la phrase elle est coupée, il y a une phrase à l'intérieur de la phrase. Donc si on lit la phrase comme ça veut dire فانظر كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر مع اختلاف بواطنهم إلى الشيطان حسبك بفعل أضيف إلى الشيطان فإنه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر فكيف إذا كان الخلاف بما هو أعظم من هذا التفرق في هذا المكان فقط في المكان فقط كالخلاف في العقائد والمسائل العلمية والعملية. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Abi Tha'laba al-Khushani, selon Abu Dawood, et il est authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim et al-Dahabi. Dans ce hadith, il dit Abi Tha'laba al-Khushani que les gens sont arrivés dans un endroit, ils étaient dans une expédition ou dans un voyage, et puis ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont arrêtés ils s'arrêtaient dans des vallées. Hein. À chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils s'arrêtaient dans une vallée, ils s'assoyaient. Hein. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se séparaient tous, hein, par petits groupes. Ils allaient tous s'asseoir dans des endroits différents dans la vallée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre façon de vous diriger, de vous séparer de cette façon-là, de vous diviser comme ça en petits groupes, ça, ça vient uniquement du shaitan. Lorsque vous arrivez, vous commencez à vous faire vous asseyez tous séparément, hein, en petits groupes ou individuellement, et ça, c'est uniquement du shaitan que ça vient. Et donc, après ce moment-là, après cet événement-là, et bien, à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part et qu'ils décidaient de lever de faire un camp à cet endroit-là, et bien, ils restaient toujours ensemble. Il n'y allait pas avoir quelques groupes qui allaient s'écarter, puis ou bien chaque personne s'assoit tout seul. Ils restaient tous les uns près des autres. Donc le cheikh, il dit comme commentaire à ce hadith-là, il dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré de la part des sahaba que leur division ou le fait d'être séparés dans un endroit, et c'est uniquement une séparation ou une division en apparence, parce que à l'intérieur de leur cœur, on sait que les sahaba sont unis, hein, dans leur cœur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans sourate Al-Anfal, et il a réuni leur cœur. Donc ça, c'est la preuve que les cœurs des sahaba sont réunis sur la vérité et qu'ils sont comme un seul cœur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué cette action-là ou ce fait-là que les sahaba s'assoyaient tous séparément, il a attribué ça au shaitan. Et donc, si on attribue une action au shaitan, c'est suffisant pour montrer à quel point cette action-là, elle est laide. Parce que le shaitan, il n'ordonne que le mal et la turpitude et le péché. Donc, le cheikh, il conclut en fait son point, en fait son argument en citant ce hadith-là, c'est de dire, comment, si c'est le cas pour une divergence ou une division en apparence, hein, si on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué ou a, disons, dit que cette divergence-là le fait qu'ils étaient divisés, lorsqu'ils étaient dans un endroit, ils n'étaient pas assis ensemble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'était quelque chose qui vient du shaitan, alors que c'est uniquement une divergence ou une différence par rapport à l'apparence et par rapport au lieu. Donc, que dire dans ce cas-là des divergences qui sont dans les questions plus graves et plus sérieuses, comme par exemple les divergences dans les questions de Aqida, ou les divergences dans les questions qui ont rapport avec les questions de la science islamique, ou les questions qui ont rapport avec l'application, la pratique de la religion. Donc ça, c'est des divergences qui sont encore plus grandes, et si le fait de ne pas s'asseoir ensemble quand on est réunis dans une vallée, ça vient du shaitan, alors imaginez qu'est-ce qu'on pourrait dire du cas des divergences qui arrivent dans la croyance et dans d'autres choses de ce genre, qui sont plus graves encore. Donc ça, c'est juste une analogie que le chef utilise pour faire comprendre à quel point la divergence est quelque chose de mauvais. Par la suite, le chef, il dit, فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْخِلَافُ أَوْ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخِلَافُ شَرْ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اُقْدُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْدُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْاِخْتِلَافُ حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا في بيع أم الولد لأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يبعن وأنه رجع عن ذلك ورأى أن يبعن كما في رواية حماد بن زيد عن أيوب. Non, donc wa qawlu Ali radiyallahu anhu akrahu l'ikhtilaf fi hukm bay' umm al-walad mimma tatajadabuhu al-adilla tahriman aw tahlilan fa kayfa bil masail allati lam yaqum 'alayha dalil min al-kitab was-sunnah wa inma hiya min mudillat al-hawa allati sarat al-ahzab tattakhidhuha usulan tasiru وتسير الأتباع عليها. Donc le cheikh, il mentionne par la suite une parole qui est attribuée à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. qui dit que al-khilaf ou shar, l'imam, le sahabi, un des grands savants parmi les sahaba, qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lui-même il dit al-khilaf ou shar, c'est-à-dire la divergence c'est quelque chose qui est mauvais. Hein? رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك وبإسناد صحيح وأصل هذا الأخر مخرج في الصحيحين. Il dit que c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, dans le livre des rituels du Hajj, et aussi il dit que c'est une chaîne de narrateurs, une transmission qui est authentique, et à la base cette athar, cette parole de Ibn Mas'ud, elle est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim aussi. Donc, elle est extraite de Al-Bukhari et Muslim. Donc, comment quelqu'un par la suite peut venir dire la divergence c'est quelque chose de bien? Alors que Abdullah ibn Mas'ud, un des grands sahaba de la Umma, il nous dit clairement, sans compter les preuves qu'on a mentionnées du Coran et de la Sunna, mais en plus de ça, même des paroles des sahaba qui nous prouvent que la divergence c'est quelque chose de mal. Et c'est dit d'une façon claire et explicite. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam et un des grands sahaba, un des khulafa al-rashidin, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, auquel on attribue les paroles suivantes, qui est rapportée dans Al-Bukhari, un kitab al-fada'il al-sahaba. Donc, il dit dans cette parole-là, « Jugez comme vous jugez, car je déteste la divergence. » pour que les gens soient unis et que je meure comme sont morts mes compagnons. Ok. Et le cheikh il explique le contexte de cette parole là hein, parce que bien entendu c'est pas juste de dire on va juger selon la façon qu'on veut juger juste pour dire que on va être réunis ou on va être d'accord et qu'on déteste la divergence. La parole de Ali ibn Abi Talib doit être comprise dans son contexte. Et c'est pour ça que le cheikh il explique, il dit que la parole de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand il dit cette parole-là, c'est au sujet de la vente de l'esclave qui a eu un enfant, c'est-à-dire avec laquelle on a eu un enfant. Donc lorsqu'il y a une esclave et qu'un musulman a eu un enfant avec cette esclave, est-ce qu'il a le droit de la vendre ou non? Et c'était là-dessus qu'il y avait une divergence entre les sahaba. Certains sahaba disaient, ils se basaient sur certaines références pour dire qu'il avait le droit de la vendre, et d'autres se basaient sur d'autres références pour dire qu'il n'a pas le droit de la vendre. Et le cheikh il dit que Ali ibn Abi Talib, lui, au début, il était de la position, lui, ainsi que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, qu'il n'était pas permis de les vendre, si on avait eu des enfants avec elle. Mais il est revenu sur cette position-là, et il a pris la position par la suite que c'était permis de les vendre. Et c'était basé sur une narration de Hamad ibn Zayd et Ayyub. Hein? Donc, ça c'est rapporté dans Fath al-Bari, le volume 7, à la page 73. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette question-là, vous pouvez retourner à cette référence-là. Ensuite, le cheikh dit que la parole de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand il dit « Je déteste la divergence », c'est en particulier au sujet de la vente de la femme esclave avec laquelle on a eu un enfant, qu'on appelle Umm Walad. Hein, c'est le terme qu'on utilise pour la décrire. Et mimma tatajadabuhu al-adilla tahriman ou tahlilan. C'est-à-dire que il n'y a pas un texte clair, ou bien disons qu'il y a des textes qui indiquent que c'est permis et d'autres qui indiquent que c'est interdit. Et donc, étant donné qu'il y a un conflit au sujet de cette question-là, dans les divergences, le cheikh dit c'est pas une question qui est claire. C'est pour ça qu'il y avait des divergences. à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit فَكَيْفَ بِالْمَسَائِلَ الَّتِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. C'est-à-dire, il y avait des preuves, mais il y a des preuves qui sont, disons, en apparence, qui pourraient indiquer qu'il y a une contradiction ou une divergence. Et donc, ça demande plus de réflexion et d'analyse par rapport à ces questions-là. Et pour éviter la divergence, Ali ibn Abi Talib a accepté cette position-là en se basant sur les preuves qui ont été rapportées au sujet de la position qui était appliquée par les gens qui jugeaient par ce jugement-là. Et donc, le cheikh, il dit, si on regarde qu'est-ce qui est dit par Ali ibn Abi Talib, le fait qu'il détestait la divergence et qu'il choisissait de se ramener à une preuve plutôt que de suivre la divergence ou d'imposer une divergence et de diverger encore plus. Que dire des questions sur lesquelles il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna? Ça, c'est la situation dans laquelle on est actuellement et on remarque justement ces questions-là dans le fait que les gens de Bid'a, quand ils imposent ou quand ils suivent une croyance ou une idée ou une philosophie ou une théorie dans leur manhaj, ce sont des idées et des principes qui ne sont pas supportés par les preuves du Coran et de la Sunna. Mais ils insistent quand même à vouloir le suivre. Et on sait que la divergence est quelque chose de mal. Donc, comment vous voulez imposer aux gens, aux musulmans, de suivre des choses au sujet desquelles il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna, et vous voulez diviser la Ummah au sujet de ces questions-là, et vous voulez faire en sorte que les gens les suivent, vous suivent dans ces égarements-là. Donc, les gens de Bid'a sont toujours en train de dire, par exemple, que les salafis, c'est eux qui font la divergence ou qui divisent les musulmans. Ils disent souvent ces choses-là. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils essaient de dire aux musulmans, ces gens de Bid'a essaient de dire aux musulmans qu'on doit les suivre absolument dans leurs idées à eux. Même si ces idées-là sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc s'ils trouvent par exemple des salafis, des ulama parmi les ulama salafiyin qui indiquent ou qui disent aux gens de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et d'abandonner ce que ces gens-là sont en train de suivre, eh bien eux ils disent, ah regardez, ces gens-là ils veulent diviser les musulmans. Parce que, pourquoi ils disent ça? Parce qu'on demande aux musulmans d'abandonner ce qui n'est pas basé sur les preuves, qui est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna que ces gens-là ont, c'est-à-dire ces choses-là que ces gens-là ont établies et qu'ont pris comme principe, eux. Nous, on dit ces choses-là ne sont pas des principes, ne sont pas des choses qui sont acceptables dans l'islam, et donc, abandonnez-les, laissez-les tomber, cessez de les faire. Et eux, ils disent, ah regardez, ces gens-là, ils veulent diviser les musulmans à cause de ça. Comme par exemple, quand on appelle ces gens-là à revenir au tawhid, eh bien eux, ils disent, regardez, ces gens-là, ils veulent diviser les musulmans. Quand on dénonce le fait que des gens adorent les tombes, ils disent, ah regardez, ces gens-là, ils veulent diviser les musulmans. Quand on est en train de dire que des gens vont, par exemple, célébrer le Maulid, ils vont dire, oh, regardez, ces gens-là, ils veulent diviser les musulmans. Tout ça sont des choses qu'ils font, ces gens-là, qui ne sont pas supportées par aucune preuve de la charia. S'ils voulaient éviter la divergence et qu'ils voulaient vraiment unir les musulmans, ils abandonneraient ces idées-là et ces principes-là et ces choses-là qui sont contraires à l'islam pour unir les musulmans et cesseraient de les faire. Ils vont dire, d'accord, on veut cesser la divergence qui existe entre les musulmans. Donc, toutes ces choses-là qu'on est en train de faire, qui n'est pas supportée par les preuves du Coran et de la Sunna, qui ne sont pas des choses qui sont établies dans la religion musulmane, on va cesser de les faire. Et on va faire en sorte que les musulmans soient unis sur la vérité. Au lieu de faire ça, ils commencent à attaquer les salafis, à attaquer cette da'wah, attaquer les textes du Coran et de la Sunna qui interdisent ce qu'ils font, et ils disent les salafis veulent diviser les musulmans. Donc c'est une attitude malhonnête qu'ils utilisent. Et l'imam Ali ibn Abi Talib, lui, la question sur laquelle il a divergé par exemple avec les autres sahaba, il est revenu sur sa position pour éviter la divergence Tandis que ces gens-là, tandis que Ali, il se basait sur une référence, sur une preuve. Tandis que ces gens-là, ils ne se basent pas sur aucune preuve et aucune référence, et ils insistent à vouloir rester sur leur position, et ils disent par la suite qu'ils sont contre la divergence, qu'ils veulent unir les musulmans. Mais les unir comment? Les unir sur leur divergence. Hein? Et ça, c'est quelque chose de contradictoire en réalité. Donc, le cheikh, il dit que, ensuite, il dit, قال أبو جعفر الطحاوي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. Et il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. Le cheikh, il dit que l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il dit dans un de ses livres, c'est dans al-Tahawiya, dans le texte lui-même de l'Aqidah de l'imam al-Tahawi, il dit, on considère que la jama'a, c'est qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est correct, c'est-à-dire d'être uni. Hein, la jama'a, c'est qu'est-ce qui est la vérité et d'être correct. Tandis que d'être la division, c'est l'égarement et un châtiment. C'est une punition en fait. Hein? Et l'imam Ibn Taymiyyah, il dit aussi dans Majmu' al-Fatawa, le volume 3, la page 421, que la jama'a c'est une miséricorde, tandis que la division c'est un châtiment. Ensuite, le cheikh il parle d'un hadith. Et ce hadith-là, il est souvent mentionné par les gens de Bid'a pour essayer de justifier leur divergence. Il cite une parole qu'il prétend être un hadith. Et cette parole, c'est Al-Ikhtilaf Ummati Rahma. C'est-à-dire, les divergences de ma Ummah sont une miséricorde. Et ça, c'est pas du tout un hadith. Et c'est quelque chose qui est totalement da'if. Hein? Même certains ulama ont dit que c'est maudou'. Et on va expliquer justement qu'est-ce qui est rapporté à ce sujet-là. Parce qu'on retrouve souvent parmi les ikhwan et des musulmans d'autres tendances également, comme les soufis et d'autres, qu'ils considèrent que la divergence est quelque chose qui est une miséricorde, et ils essaient de justifier ça par cette parole qu'ils prétendent être un hadith, alors que ce n'est pas du tout un hadith. Donc le cheikh il dit, ضعيف السند, hein, le hadith qui dit اختلاف أمتي رحمة, il dit ضعيف السند والمتن لم يرد في شيء من المصنفات الحديثية حديث بهذا اللفظ والمشهور حديث اختلاف أصحاب رحمة وإنما يذكر ذلك بعض الأصوليين كما فعل ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه وقال السبكي ليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع وقال أبو محمد بن حزب أما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق وقال القاسم قال القاسمي منتقدا هذا الحديث سندا ومتنا ذكر بعض المفسرين هنا ما روي من حديث اختلاف أمتي رحمة ولا يعرف له سند صحيح ورواه الطبراني والبيهقي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا وقال بعض المحققين هو مخالف لنصوص الآيات والأحاديث كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وغيره من الأحاديث الكثيرة والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف. Donc le cheikh il dit que cette parole qu'on prétend être un hadith qui dit اختلاف أمتي رحمة, la divergence de ma umma est une miséricorde, c'est quelque chose qui est daïf, qui est faible dans sa chaîne de transmission et dans son texte également. Et il n'est pas mentionné dans aucun des livres et des ouvrages de hadith avec ces mots-là. C'est-à-dire, on ne retrouve pas ces mots-là ou cette énonciation avec ces mots-là, on le retrouve nulle part dans les livres et dans les ouvrages de hadith. Le seul qui est mentionné et qui est connu comme hadith qui a ce sens-là, c'est ikhtilafu ashabi rahma. La divergence de mes compagnons est une miséricorde. Mais c'est uniquement mentionné par certains savants de Usul, comme Ibn al-Hajib dans son Mukhtasar, dans les livres de Usul al-Fiqh. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama au sujet de ce hadith-là, comme l'imam al-Subki, il dit que ce hadith-là, il n'est pas connu chez les savants de hadith. Cette parole n'est pas connue chez les savants de hadith. Et il dit, je n'ai moi-même trouvé aucune mention de sa chaîne de narration. Je n'ai trouvé pour cette parole aucune chaîne de transmission, ni authentique, ni daif, ni maudour. C'est-à-dire, il n'y a pas de chaîne du tout, ni une chaîne. Il n'y a pas de chaîne authentique, il n'y a pas de chaîne faible, même, il n'y a même pas une chaîne faible, et il n'y a même pas une chaîne, même dans les hadiths qui sont fabriqués. C'est-à-dire, ce n'est pas un hadith du tout. Hein. Et il mentionne les paroles d'Ibn Hazm al-Andalusi dans Al-Ahkam, fi Usul al-Ahkam, la parole de As-Subki, c'est dans Fayd al-Qadir, et la parole de Abu Muhammad ibn Hazm, c'est dans Al-Ahkam, fi Usul al-Ahkam, il dit, amma al-hadith al-madhkour, il dit, en ce qui concerne le hadith qu'on a mentionné, il est faux, et il est mensonger, et ça fait partie des choses que les gens du fisq, les gens du péché ont inventées. Hein? Ça ne fait pas partie des hadiths. Hein? C'est quelque chose qui a été accouché par les gens de fisq. Il a utilisé le terme tawlid. Hein? Comment vous l'avez dit, c'est eux qui l'ont accouché de ce hadith. Il n'a rien à voir avec les hadiths. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Qasimi dans Mahasin al-Ta'wil, dans son tafsir. Il dit, en critiquant ce hadith-là, dans son texte et dans sa chaîne de transmission, il dit que certains mufassirines ont mentionné ce hadith, hein, que la divergence de Mahoma est une miséricorde. Toutefois, il est inconnu, hein, et on ne lui connaît aucune chaîne de transmission à ce hadith. Hein? Et il est rapporté par Al-Tabarani et Al-Bayhaqi dans Al-Mudkhal avec une chaîne qui est faible, selon Ibn Abbas, hein, qui l'attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est une chaîne qui est da'if. Hein? Il n'est pas connu par aucune chaîne authentique. Après, il dit, « وَقَالَ بَعْدَ الْمُحَقِّقِينَ certains vérificateurs, hein, ils ont dit que ce hadith, il est en contradiction avec les versets du Coran et avec les hadiths dans la Sunna, comme le verset 118-119 dans Surat Hud qu'on a mentionné au tout début, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, c'est-à-dire ils ne cesseront de diverger, excepté ceux qui ont reçu la miséricorde de ton Seigneur. Donc ça c'est pour clarifier que c'est la preuve que la divergence n'est pas une miséricorde, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les gens de sa miséricorde soient l'exception. C'est eux qui ne vont pas diverger, ceux qui ont la miséricorde. C'est le contraire de ce que le hadith dit. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, c'est le contraire de ce qu'on dit dans ce soi-disant hadith. Le hadith dit, ce faux hadith dit que la divergence de la Umma est une miséricorde. Tandis que le verset dans le Coran nous dit que ceux qui vont diverger, ce sont ceux qui n'ont pas eu la miséricorde de ton Seigneur. Donc ça c'est la preuve que ce hadith il est faux, puisqu'il est en contradiction avec le Coran en plus. Hein? Et il mentionne également une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et ne divergez pas, parce que si vous divergez, ça c'est la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de commencer la salat. Il dit, استو اعتدلوا سد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Donc il disait, استو, c'est-à-dire égalisez vos reins et mettez vos reins droits, اعتدلوا, hein, mettez-vous égal. Et il disait, Suddul Furaj, au suddul khalal, c'est-à-dire fermer les écarts qui sont entre vous, et ne divergez pas, hein, sinon vos cœurs vont diverger. C'est-à-dire ne soyez pas divergents dans les rangs, sinon vos cœurs vont diverger également. Et ça, ça fait partie des preuves qui montrent que la divergence, c'est quelque chose de mauvais. Hein? Et le cheikh il dit, « وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَادِيثِ الْكَثِيرَ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّ الْاتِّفَاقِ خَيْرٌ مِنَ الْخِلَافِ » Le cheikh il dit, il y a beaucoup d'autres hadiths également, ça c'est encore dans cette parole de l'imam al-Qasimi, il dit, ça c'est la preuve que, il y a beaucoup d'autres preuves également qui, dans les hadiths qui montrent que, de façon certaine, que d'être d'accord, c'est mieux que de diverger. Et le cheikh il dit, والحديث الذي أشار إليه القاسمي رواه البيهقي في المدخل وإسناده ساقط بالمرة وفيه ثلاث علل. Le cheikh il dit que le hadith qui a été mentionné par Al-Qasimi dans cette citation, quand il dit Ikhtilaf Ummati Rahma, et qu'il dit il n'est pas connu avec une chaîne authentique, mais il est rapporté par Al-Tabarani et Al-Bayhaqi dans Al-Mudkhal avec une chaîne qui est faible. Le cheikh il dit, en commentant cette parole-là, il dit le hadith auquel fait allusion Al-Qasimi, il est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Mudkhal, et cette chaîne de narrateurs qui est dans ce hadith-là, elle est complètement faible. Elle a trois grands problèmes. Elle a trois grands problèmes. Et c'est quoi les problèmes de ce hadith? Il dit Al-Ula. سليمان ابن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم الرازي والثانية جويبر وهو متروك الحديث كما في النساء والدارقطني ويروي عن الضحاك أشياء موضوعة وهذا الحديث من رواياته عنه والثالثة الانقطاع بين الضحاك وابن عباس في الجملة ليس في الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على أن الخلاف رحمة. Le cheikh il dit que parmi les problèmes de ce hadith, il y a le premier, c'est que dans la chaîne de transmission ou de narrateur, il y a Sulayman ibn Abi Karima, et il a été déclaré daif par Abu Hatim al-Razi. Ensuite, deuxième problème, il y a dedans Juwaybir, et celui-là il est matruk al-hadith, on ne prend pas ces hadiths, et ça a été dit par l'imam al-Nasa'i et al-Daraqutni, et ils disent que quand ils rapportent des choses qui sont fabriquées, et ils les attribuent à l'imam al-Dahhak, hein, le tabi'i qu'on appelle al-Dahhak. Donc quand il rapporte des choses et qu'il les attribue à Ad-Dahhak, c'est des choses qui sont fabriquées. Et dans ce hadith-là en particulier, eh bien, ça fait partie de ces narrations qu'il a attribuées à Ad-Dahhak, en parlant de Juwaybir. Donc Juwaybir, dans cette parole, dans ce hadith, il l'a attribué à Ad-Dahhak. Et donc, on sait que de lui, quand il rapporte de lui en particulier, il rapporte des choses qui sont fabriquées. Et donc ça, c'est grave. Et en général, il est matruk. Déjà, on ne prend pas ses hadiths. Et dans le troisième problème dans cette chaîne, dans ce hadith, c'est que il y a une coupure entre Ad-Dahhak et Ibn Abbas. Hein? Il y a une coupure entre Ad-Dahhak et Ibn Abbas. Donc en général, il n'y a pas rien dans le Coran ni dans la Sunna qui pourrait indiquer que la divergence est une miséricorde. Donc quand on voit les gens de Bid'a qui commencent à dire la divergence c'est une miséricorde dans l'islam, ou que dans la divergence entre les ulama c'est une miséricorde, ça c'est des gens qui contredisent en réalité le Coran et la Sunna et le manhaj des salafs. Le cheikh il donne un autre exemple. Il parle maintenant d'une citation de l'imam Al-Albani, hein, un des plus grands savants de hadith de notre siècle. Et le cheikh dit, وقال العلامة المحدث محمد الناصر الدين الألباني, رحمه الله وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا يسعني إلا أن أقول إذا كان الاختلاف إذا كان اختلاف أمتي رحمة هل يكون اجتماعها عذابا؟ Donc le cheikh il dit que après il dit أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, l'imam al-Albani a dit, en général on peut dire que donc que la divergence c'est quelque chose qui est blâmable dans la charia. Et donc il est obligatoire de tout faire, d'essayer tout ce qu'on peut faire pour se pour faire en sorte qu'on se débarrasse de cette divergence lorsqu'il y a une divergence. Parce que les divergences font partie des causes de la faiblesse de la Ummah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans le Coran, et ne divergez pas, parce que vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Hein? Et il dit par la suite, et je ne peux dire autre chose que la parole suivante. Hein? Je ne peux dire autre chose que la parole suivante. Et c'est une question qui est en réalité une question très importante. Si vous dites que la divergence de ma Ummah est une miséricorde, est-ce que ça veut dire, ou est-ce que ça implique pas que le fait qu'elle soit réunie ou unie, c'est un châtiment? Donc quand vous êtes en train de dire que la divergence est une miséricorde, c'est comme si vous étiez en train de dire que l'unité et le fait d'être uni est un châtiment. Et ça c'est, bien entendu, c'est faux. C'est le contraire. C'est de se diviser et de diverger qui est un châtiment. Et de s'unir et d'être unis, c'est une miséricorde. C'est ça la vérité. Alhamdulillah. Et on dit, même les kuffars, ils le savent. Les kuffars sont les premiers à le savoir, puisqu'ils disent aussi, l'union fait la force. Hein? Et Allah, il le dit, ça, dans le Coran. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous divergez pas, parce que sinon vous allez avoir l'échec et vous allez perdre votre force va s'en aller de vous. Donc ça c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a vis-à-vis de la division et de la divergence. Mais ceux qui disent il faut être satisfait de la divergence, il faut l'appeler miséricorde, alors ça c'est en contradiction avec les versets qui sont révélés, et c'est en contradiction avec la Sunna qui blâme et qui critique clairement la divergence. Donc il n'y a aucune référence et aucune preuve pour justifier la divergence, excepté ce hadith-là qu'il mentionne, Ikhtilaf Ummati Rahma, et cette parole n'a aucune authenticité et ne peut pas être rapportée, ne peut pas être attribuée du tout au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle n'est pas authentique. Donc ça c'est à ce sujet là ensuite le cheikh il dit al-khilafu alladhi qama dalilu ala kulli wahidin min atrafihi. Donc le cheikh il explique un autre point ici, il dit en fait je vais pas parler de ça tout de suite, je vais laisser ce chapitre pour le prochain cours inshallah, puisque ça va être comme une bonne introduction pour le point qui va suivre par la suite, même si c'est pas long, hein, mais je préfère le garder comme ça, ça va nous mettre dans le contexte de qu'est-ce qui va suivre inshallah, donc ça va être plus clair, plutôt que de le mettre à la fin du cours d'aujourd'hui, ça va être ce serait moins clair. Donc on va laisser comme ça pour aujourd'hui inshallah. Donc aujourd'hui on va s'arrêter ici. D'accord. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa jazakumullahu khayran. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.